Dossier 3. Livre page 43. Question A. Le petit cheval. Le petit cheval. Il était un petit cheval qui tirait une grande charrette. Pauvre cheval, fatigué, ne pouvait plus continuer. Il trébuche et tombe sur un rocher. Sur son chemin vers le château, un chevalier voit le cheval allongé par terre. Il s'approche et lui chuchote quelques mots magiques. Le cheval se remet soudain et commence à galoper dans les champs.